إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue notre dars de l'explication de al-usul al-thalatha, شرح al-usul al-thalatha avec le شرح du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et aujourd'hui on est toujours dans l'explication ou bien dans la lecture de la troisième partie dans l'introduction de al-usul al-thalatha, où le Cheikh explique c'est quoi la plus grande des obligations que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et c'est quoi la plus grande des interdictions qu'il a interdites. Et on va lire ensemble donc en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça signifie. Donc le Cheikh, il parle maintenant, il dit أعظم ما أمر الله به أعظم ما أمر الله به. Et ça c'est le titre. Et le Cheikh, il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. Ça veut dire la plus grande chose que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs, c'est le tawhid. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul et de rendre son adoration exclusive, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on n'adore que lui, on n'adore rien d'autre avec lui. Ça c'est le point que le Cheikh a lu ici. Maintenant il explique, Cheikh Al-Fawzan, il rentre dans les détails pour expliquer qu'est-ce que ça signifie avec plus d'explications. Et ça c'est très important et vous allez voir qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan ramène comme explication à ce sujet-là. Ça nous aide à comprendre à quel point le tawhid est important dans l'islam, qu'il n'y a rien dans l'islam qui est plus important que ça. Le Cheikh il dit وقوله رحمه الله أعظم ما أمر الله به التوحيد هذا مهم جدا لأن التوحيد أعظم ما أمر الله به وكل الأوامر كل الأوامر التي أمر الله بها كلها بعد التوحيد. Donc le Cheikh il dit que la plus grande chose que Allah a ordonné aux hommes c'est le tawhid. Et ça c'est une chose très importante. Parce que le tawhid, c'est le plus grand de tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les autres ordres que Allah a ordonnés, toutes les autres choses qui ont été ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala viennent après le tawhid. Donc aujourd'hui, maintenant, souvent quand on parle aux gens de l'islam et quand on leur parle des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont mentionner la salat, la zakat, le hajj, le jeûne, le saum, hein. Hey, na'am. Barakallahu fik. Ça c'est le matn, yani. Matn al kitab. If there is anything that is not clear in French, you know, maybe if you need some explanation, I'll explain for you, inshallah. Hey, na'am. Donc, le Cheikh, il dit bon, de toutes ces ordres que Allah a ordonné, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'ordre du tawhid. Donc on est arrivé à cet endroit-là où le Cheikh il dit اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية. Donc c'est la deuxième section après l'introduction ici, la deuxième partie, on est rendu là. Donc الشيخ يلتني ensuite والدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد قوله تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية. وهذه الآية فيها عشرة حقوق، ولهذا تسمى آية الحقوق العشرة. وأول هذه الحقوق حق الله سبحانه وتعالى. Donc, le cheikh explique, il dit que la preuve que la chose, parmi toutes les choses qu'Allah a ordonnées, la plus grande d'entre elles, c'est le tawhid. Et le tawhid, on l'a expliqué, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala et de n'adorer rien d'autre que lui, et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui, et de rendre notre culte et notre adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la plus grande des choses qu'Allah a ordonnées. Et la preuve de ça, il y en a des tonnes et des tonnes, hein, des centaines et des centaines de versets dans le Coran qui prouvent cet ordre et que c'est ça le plus important dans l'islam. Il y en a, hein, des milliers de preuves à ce sujet-là, dans le Coran et dans la Sunna. Sauf que le cheikh, il en mentionne quelques exemples, et il mentionne comme exemple le verset 36 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, c'est-à-dire adorez Allah et n'associez rien avec lui dans l'adoration, et jusqu'à la fin du verset. Ce verset-là dans Surat An-Nisa, le verset 36, on l'appelle le verset des 10 droits. Des 10 droits, parce que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala énumère une série de droits qu'on a envers, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, puis envers les parents, puis envers les proches, et ainsi de suite. Donc, c'est le verset qu'on appelle le verset des 10 droits. Hein? C'est-à-dire, quand on parle des droits, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, on doit respecter les droits de ces 10 droits. Hein, choses qui sont mentionnées, ou de ces 10 personnes qui sont mentionnées. La première d'entre tous ces droits-là, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. En arabe, le droit, le mot qu'on utilise pour dire un droit, c'est le mot haqq. Ok? Donc quand on dit le droit d'Allah, c'est haqqullah. Donc, haqqullah, c'est le droit d'Allah, et le pluriel de haqq, c'est huquq. Oh, attendez. Huquq. Ok. On fait son possible, comme on dit. Ok, donc le terme, c'est haqq. Et le pluriel, c'est huquq. Donc, on dit haqqullah. C'est le plus important de tous les droits. Le plus important de tous les droits. Et quand on dit, on peut dire par exemple, haqqul walidain, le droit des parents. Ok? Haqqul walidain, on va écrire le droit des deux parents. Ok? Et des fois on dit, on entend souvent parler de ça maintenant à la télé. Huquq. Huquq al-mar'a. Les droits de la femme. Hein? Et huquq, un autre aussi qu'on entend beaucoup. Huquq al-insan. Ça, c'est des termes qu'on entend là, beaucoup. Bon, al-mar'a, al-mar'atu, huquq al-mar'ati, parce que c'est mudaf ilay, huquq al-insan. C'est juste des exemples pour comprendre le terme en arabe de droit. C'est huquq. Maintenant, je pense que vous avez compris. Donc aujourd'hui, on entend tout le temps à la télé des gens qui parlent des droits. Les droits de la femme, les droits de l'homme, hein, les droits de toutes sortes de droits. Mais ils ne parlent jamais de celui-là. Haqqullah. Ça, on n'entend jamais parler. Alors que c'est le plus important de tous les droits. Ok? Et celui qui est le plus injuste, c'est celui qui ne remet pas les droits à celui qui le mérite. Hein? La plus grande injustice, c'est quoi? En islam, c'est le shirk. La plus grande forme d'injustice, c'est le shirk. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un commet le shirk, c'est-à-dire qu'il adore autre que Allah, il a enlevé à Allah son droit exclusif. Donc, c'est pour ça qu'on dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna shirka la dhulmun azim. Le shirk, c'est la plus grande des injustices. D'accord? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malgré que c'est la plus grande des injustices, on n'entend jamais les gens dans les médias ou à la télé parler de ce droit-là. Tout ce qu'ils font, c'est parler des autres droits, hein, parmi les différents droits, puis, bien entendu, des fois, ils mélangent là-dedans le vrai et le faux. Donc, nous, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire comprendre? C'est que le plus grand et le plus important de tous les droits, c'est le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est que notre adoration, elle doit être vouée uniquement pour lui, avec tout ce qu'est-ce que ça implique. Et tout ce que ça comprend. Après ça, on voit que dans le verset, donc le premier des droits qui sont mentionnés parmi les 10 droits, c'est le droit d'Allah en premier. Ensuite, donc le cheikh il dit, أول هذه الحقوق حق الله سبحانه وعبد الله ولا تشرك به شيئا. Donc ça c'est le premier, adorer Allah et n'associer rien avec lui. Ensuite, وبالوالدين إحسانا. هذا هو الحق الثاني. Le deuxième droit, tout de suite après le droit d'Allah, c'est quoi? C'est le droit des deux parents, al-walidain. Ok? Donc ça c'est tout de suite après. Ça montre la grandeur et l'importance des parents dans l'islam. Et le troisième c'est وبذي القربى. Donc ça c'est le troisième droit. هذا هو الحق الثالث. ذي القربى. Et le cheikh il explique. Il dit ذو القربى أو ذو القربى هم الذين تجمعك بهم قرابة نسبية من جهة الأب أو الأم قرابة نسبية من جهة الأب أو الأم كالآباء والأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات وأولاد الإخوة والأخوات وأولاد الأعمام والعمات وهؤلاء هم ذو القربى ولهم حق القرابة. Donc, le troisième droit, c'est les proches, ceux qui ont un lien de parenté avec toi. Ils ont un droit sur toi. Ok? Et c'est qui, en arabe, comment on les appelle? Ceux qui ont un lien de parenté avec toi, on les appelle Zuhu al-Qurba. Hein? Et c'est ceux qui ont un lien de parenté avec toi, soit du côté de ton père ou du côté de ta mère. Comme par exemple, tes pères, tes grands-parents, tes tantes et tes oncles du côté paternel, ou tes tantes et tes oncles du côté maternel, tes frères et tes sœurs, les enfants de tes frères et de tes sœurs, les enfants de tes oncles et de tes tantes, ceux-là sont tes proches et ils ont un droit sur toi. D'accord? Et ensuite, le cheikh il dit « wal yatama ». « Al-aytam min al-muslimin wa hum » كل من مات أبوه وهو صغير ولم يبلغ وصار بحاجة إلى من يسد مسد أبيه في رعاية هذا الطفل تربية وإنفاقا وقياما بمصالحه ورفع ما يضره لأنه ليس له أب يحميه ليس له أب يحميه وينفق عليه ويدافع عنه فهو بحاجة إلى من يساعده لأنه فقد أباه وعائله وله حق في الإسلام. Donc ensuite, après les proches, il y a les orphelins. Les orphelins, ils ont un droit sur nous. Les orphelins parmi les musulmans, ce sont tout enfant dont le père est mort alors qu'il était petit, avant d'avoir atteint la puberté. Donc, on appelle cela des orphelins en islam. Ok? Celui dont le père est mort quand il était petit, avant d'atteindre la puberté. Et il a besoin de quelqu'un qui va remplir ce vide-là qui est causé par le fait qu'il n'a pas de père. Et donc, quelqu'un doit s'occuper de son éducation, doit dépenser pour lui, doit se tenir près de lui pour remplir ses besoins et lui donner ce qu'il a besoin comme bien dans sa vie. Et pour éloigner de lui tout ce qui pourrait lui nuire et lui faire du tort également. Donc, le protéger en fait. Et donc, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de père qui le protège. Hein? Et ça, c'est un des rôles du père. Hein? Il se tient près de son fils ou sa fille, il protège son enfant quand il est petit. Et il dépense de son argent pour cet enfant-là et il le défend lorsqu'il a des difficultés. Donc, il a besoin de quelqu'un pour le défendre et pour le protéger parce qu'il a perdu son père. Et donc ça fait partie des droits de l'islam pour cet individu-là, pour cet enfant-là. Al-muhim, anna Allah bada'aha bihaqqihi subhanahu wa ta'ala. Donc le plus important, qu'est-ce qu'on veut montrer par rapport à ces 10 droits? C'est que le plus important d'entre tous ces droits, wa alaykum salam wa rahmatullah, c'est que Allah a commencé, il a débuté l'énumération des différents droits par le sien, par son droit à lui. قوله ولا تشركوا به شيئا لم يقتصر على قوله واعبدوا الله لأن العبادة لا تصح مع الشرك ولا تنفع ولا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل إن كان معها شرك فإنها لا تكون عبادة مهما أتعب الإنسان نفسه فيها قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك إذ لا تصح العبادة مع وجود الشرك أبدا. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, n'associez rien avec lui. C'est-à-dire dans l'adoration. Quand vous adorez, adorez Allah seul et n'associez rien avec lui dans l'adoration. Et Allah n'a pas seulement dit, adorez Allah. Il a dit, et n'associez rien avec lui. Parce que l'adoration, elle n'est pas valable si elle est accompagnée de shirk. Et elle ne sera pas bénéfique si elle est accompagnée de shirk dedans. Et on ne l'appellera même pas ibadah en arabe, on ne l'appellera même pas adoration si elle n'est pas pure et uniquement pour Allah seul. Hein? Donc le cheikh explique que si dans l'adoration que tu fais, il y a du shirk, alors elle ne sera pas une adoration et Allah va pas l'accepter. Et elle ne sera pas une adoration peu importe à quel tout ce que l'être humain peut faire comme acte ou comme travail ou comme œuvre dans laquelle il se fatigue lui-même pour arriver à l'accomplir. Et yani, ça ne sera pas quand, malgré tous les efforts qu'il fait dans ces actions-là, ce ne sera pas un acte d'adoration puisqu'il y a du shirk dedans. Du moment qu'il a associé dans son adoration, il a commis du shirk, alors ce ne sera pas accepté. Et ce ne sera pas valable et ce ne sera pas accepté par Allah comme étant un acte d'adoration. Et on voit dans qu'est-ce que les mushrikoun font aujourd'hui, parmi les différents êtres humains qui adorent toutes sortes de choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui pratiquent toutes sortes d'autres religions, on voit chez eux que, par exemple, ils se fatiguent à faire toutes sortes de choses, soi-disant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'ils adorent d'autres avec lui là-dedans. Et parfois, ils font des choses, ils font beaucoup, beaucoup d'œuvres que même nous, parfois les musulmans, on n'a même pas l'effort de faire exactement comme si autant ou même par exemple équivalent à qu'est-ce que eux ils font dans ces actes d'adoration là. Donc ils se fatiguent énormément dans l'adoration qu'ils font. Et j'ai souvent parlé des exemples de qu'est-ce que font certains chrétiens, par exemple, comme adoration pour qu'ils font dans leur religion. Et je donnais souvent l'exemple de qu'est-ce que je voyais quand j'étais petit, et ça se trouve encore aujourd'hui, quand ils vont à l'église, par exemple. Ils vont à l'oratoire Saint-Joseph. Il y en a qui vont monter les marches de l'oratoire à genoux. Et à chaque marche, ils vont réciter un chapelet, et ils vont faire une prière pour Marie, ou bien pour Jésus, ou bien pour d'autres saints. Et ça, yani, c'est quelque chose, bien entendu, c'est beaucoup d'efforts qu'ils font, beaucoup de fatigue. Hein. Vous imaginez quelqu'un à chaque marche, il monte les marches à genoux, et puis il fait son chapelet comme ça. Il s'imagine qu'en faisant ça, il va se rapprocher d'Allah, ou il va se rapprocher de Isa, ou bien de Maryam ou d'autres. Pourtant, il n'aura aucune récompense pour ça. Au contraire, il sera puni pour ça. Puisque son acte qu'il fait, il ne le fait pas pour Allah seul. Il le fait pour d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est shirk. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Sinon, il y a plein d'autres exemples, non seulement dans le christianisme, mais dans d'autres pratiques religieuses chez d'autres individus que les chrétiens. Et sans parler des moines qui restent dans des monastères, qui prient jour et nuit, qui jeûnent, et, ou bien qui font plein d'autres actes de piété et d'adoration. Hein? Donc tout ça, ça n'aura aucune valeur puisqu'ils ne l'ont pas fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la même chose pour des gens qui disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah » et qui font la salat et qui donnent la zakat et qui font le hajj, mais qui adorent des tombes ou qui adorent des saints ou qui adorent des morts et qui les associent avec Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose pour eux. Hein? C'est pas parce qu'ils se disent musulmans qu'ils sont exemptés du fait de commettre le shirk. S'ils commettent le shirk, même s'ils se disent musulmans, ils auront donc la même rétribution que ce que les autres mouchriquins sur la terre vont avoir comme rétribution. Ils ne seront pas exemptés uniquement parce qu'ils se disent musulmans. Puisque être un musulman, ce n'est pas seulement de le dire avec la bouche et de prétendre, mais c'est d'y croire réellement et de l'appliquer dans sa réelle signification et dans tout ce que ça implique réellement selon les preuves et les textes et la compréhension et l'idée musulmans des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis. Donc le cheikh il dit ensuite يعني هذا دليل على قول الشيخ أعظم ما أمر الله به التوحيد حيث إن الله بدأ في كثير أو في آيات كثيرة منها هذه الآية بدأ في آيات كثيرة منها هذه الآية ومنها قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه فبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد وهذا يدل على أنه أعظم ما أمر به أعظم ما أمر الله به قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق هذا دليل على ما يأتي أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك فإذا كان أعظم ما أمر الله به التوحيد فإنه يجب أن يبدأ الإنسان بتعلم العقيدة قبل كل شيء العقيدة هي الأساس فيجب أن يبدأ بها بالتعلم والتعليم وأن يداوم على تدريسها وبيانها للناس لأنها هي أعظم ما أمر الله به فليس من المناسب أن تجعلها آخر الأشياء أو يعني أن لا تهتم بها لأن الآن هناك دعاة يزهدون في تعليم التوحيد والعقيدة وهناك أناس ابتلوا بهذا لأن الإخلال بها إخلال بالدين كله يجب العناية بها Donc le Cheikh il dit, ça c'est la preuve, qu'est-ce qu'on a mentionné, que la plus grande des choses que Allah a ordonné c'est le Tawhid. Parce que c'est par cela que Allah a commencé dans ce verset-là. Et c'est pas seulement dans ce verset-là, mais c'est dans plein d'autres versets. Le Cheikh il mentionne ensuite, il dit ومنها قوله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه. Ton Seigneur a jugé, a décrété, a ordonné que rien ne soit adoré excepté lui. Donc il a commencé, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, qui est le verset 23 dans Surat Al-Isra, par l'ordre du Tawhid. Et ça montre encore une fois la grandeur de l'ordre du Tawhid. Et que c'est la première des choses qu'Allah a ordonné. Ensuite, le verset 151. Tous ces versets-là, c'est des versets, si vous ouvrez le livre Kitab al-Tawhid, vous allez voir que c'est les versets que le Cheikh a mentionnés dans le premier chapitre. de Kitab al-Tawhid, c'est ces versets-là, hein, qui montrent l'ordre du Tawhid et l'importance du Tawhid. Hein, le verset 151 dans Sourate Al-An'am, قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إلى آخر الآية. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Muhammad à ces mushrikins et aux gens en général, hein, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Et la première chose qu'il cite parmi les choses qui ont été interdites, c'est, hein, de que vous n'associez rien avec Allah, que vous n'allez pas commettre le shirk avec Allah en associant quoi que ce soit avec lui. Et ensuite, tout de suite après, et de faire, hein, de faire preuve de bonté envers les parents. Donc, tout de suite après l'ordre de ne pas faire le shirk, tout de suite après l'ordre de faire preuve de bonté envers les parents, puis ensuite de ne pas tuer les enfants par crainte de famine ou par crainte de pauvreté, hein, ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est des exemples qui montrent que le tawhid, c'est toujours le plus grand des commandements. Et ici on voit dans ce dernier verset que c'est la plus grande des choses que Allah a interdit. Donc si c'est le cas, hein, ça montre la grandeur du tawhid. Et donc il est obligatoire à toute personne qui enseigne l'islam, qui enseigne la religion de l'islam, de débuter son enseignement par l'enseignement de la croyance islamique, de la aqidah. Hein? Et pourquoi? Parce que la aqidah, la croyance, le dogme, ça c'est la base de la religion. Donc c'est obligatoire de commencer par ça dans l'enseignement et dans l'apprentissage. Parce que si tu commences pas par la base, le reste va pas tenir. Hein? Comme le cheikh il le mentionne souvent, il donne des exemples. Il dit, si tu veux construire une maison et que tu n'as pas construit une fondation solide à cette maison, elle va pas tenir. Et la fondation de l'islam, c'est quoi? C'est cette croyance, cette aqidah, et c'est le tawhid. Donc si ta religion, ton islam, il n'est pas établi sur une fondation solide, c'est-à-dire sur une aqidah solide, eh bien, elle va pas tenir. Et tu vas pas avoir une religion ou un islam qui est solide. Hein? Tu vas avoir un islam qui est basé seulement sur les émotions, ou sur les sentiments, ou sur les passions, ou sur les désirs. Et tu vas aller facilement à gauche et à droite, tu vas être égaré. Donc, c'est pour ça qu'il faut donner de l'importance à la aqidah en premier. Et que tu persistes et que tu persévères dans l'enseignement de cette aqidah. Et que tu la clarifies pour les hommes. Parce que c'est la plus grande des choses que Allah a ordonnées. Et surtout aujourd'hui, en particulier, à notre époque, et ici en particulier pour les musulmans vivant dans des pays comme ici. Puisque si on enlève de l'islam cette base qui est la aqidah, eh bien, on voit que par la suite, les musulmans, petit à petit, deviennent comme le reste des êtres humains, comme le reste des autres kuffars qui suivent d'autres religions. Puisque c'est la vraie chose qui nous distingue à la base, c'est notre aqidah, et c'est à cause de notre aqidah qu'on devient différent. C'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de se distinguer par la suite, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos œuvres. Mais si on n'a pas d'aqidah, eh bien, il n'y a rien qui va nous pousser à nous distinguer. On va rester comme tout le monde, on va fondre petit à petit, on va devenir comme les mouchtikines et comme les koufars. Hein? Est-ce que c'était des images des êtres vivants? Donc, dans ce cas-là, t'as eu raison de l'enlever dans ce cas-là, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les images de tout ce qui est vivant parmi les animaux et les êtres humains. Il nous a interdit de faire ces images-là, et il a ordonné de les détruire, ou de les, hein, de les enlever lorsqu'il y en a. En fait, d'après ce que j'ai lu dans les explications des ulama, les ulama ont expliqué par rapport à ça, comme si c'est un dessin, ou une image qui est humiliée ou rabaissée, comme si c'est quelque chose que les gens ils vont marcher dessus comme un tapis, ou ils vont l'écraser, dans ce cas-là, c'est pas grave. Ok? Mais sauf que si c'est une image qui est mise comme ça, exposée, que les gens regardent et tout, là, dans ce cas-là, il faut pas le laisser. Il faut OK. Mais c'est sûr que ça a un lien avec l'aqidah. Parce que la base du shirk, une des bases du shirk, c'est justement ces images-là, et ces images que les gens ont fait à l'origine. Ils ont pas fait ça pour les adorer. Mais petit à petit, ils sont tombés dans l'adoration. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que lui, il parlait d'autre chose. Mais en fait, même dans Kitab al-Tawhid, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mis dans son livre un chapitre au sujet des images et des photos. C'est la preuve qu'il y a un lien entre les photos et l'aqidah et le tawhid. Tu vois, il y en a un lien et on en a parlé de ça dans le cours de Kitab al-Tawhid et dans Al-Irshad on en a parlé et dans plusieurs autres cours qu'on a fait dans le passé on a parlé de ça. Mais bien entendu, yani, on a expliqué les photos pour les papiers comme passeport ou permis de conduire, des choses qui sont essentielles, nécessaires. Ça, les ulama ont excusé. Ils ont dit ça c'est excusable parce que c'est devenu une nécessité, c'est obligatoire. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui n'est pas une nécessité, tu n'as pas le droit de le faire comme image ou photo. C'est haram. Et ça peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk. Donc il ne faut pas ouvrir la porte avec ces objets-là ou ces images. Ça. C'est-à-dire que ça veut pas dire que ça veut pas dire quelqu'un qui fait une photo il est mouchrik. Tu vois? Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui fait qu'il est haram de faire des photos ou de garder des photos. Il y a toujours ça aussi parce que il y a des chouyours comme par exemple, il y en a qui se réfèrent toujours à un Qardaoui. Et Qardaoui lui, il dit c'est les photos qui sont permises. Qu'est-ce qui est interdit? C'est juste les images en trois dimensions, les statues. C'est ça qui est haram seulement. Et bien entendu, il n'y a pas de preuve pour faire la séparation entre les images en deux dimensions ou en trois dimensions dans la charia. En fait, même il y a des preuves, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des images qui étaient en deux dimensions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déchirées. Où il a découpé l'ordonnée qu'on les détruise. Donc c'est pas seulement les images en trois dimensions, c'est aussi en deux dimensions. Et même Cheikh Ibn Uthaymeen avait fait une fatwa dans laquelle il disait que les images faites avec une caméra, c'était pas comme les images dessinées ou peintes avec la main. Il faisait une distinction entre les deux. Toutefois, il y a d'autres mashaykhs, d'autres ulama comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Fawzan et d'autres qui ont expliqué que même si le moyen qu'on utilise il est différent, ça reste toujours que c'est la même chose à la fin. Le résultat, c'est le même. C'est une image. Et que le cheikh, il expliquait que même que l'image qui est produite avec la caméra, elle va être encore plus proche de la réalité que l'image faite avec la main. Donc c'est encore plus une fitna que l'image faite avec la main. Et en particulier pour les gens qui vénèrent ou qui prennent, qui vont prendre les personnes comme par exemple leurs chouyours ou bien parmi les soufiyines par exemple, tu vois dans les turuq soufiya, il y a les mourides de chaque turuq, ils ont des photos de leurs chouyours. Ils les portent avec eux, ou bien ils les amènent avec eux dans leur portefeuille, ou bien même j'en ai vu dans certains pays, Allah musta'an, comme en Afrique de l'Ouest, ils mettent carrément la photo de leur cheikh dans leur cou comme ça, comme un collier là, accroché dans leur cou comme ça. Et ça c'est bien entendu, c'est haram, yani, c'est clair. Et ça peut amener même ces gens-là à faire le shirk. Parce que je sais que dans certaines turqs, comme à Montréal, les Naqshbandi, yani, je me rappelle quand j'en voyais un parmi eux, yani, qui est un de leurs responsables maintenant à Montréal, subhanallah. Quand ils faisaient leur dhikr, ils disaient qu'ils faisaient leur dhikr avec la photo devant eux. Pour rester toujours en communication avec le cheikh. Donc ça fait partie des choses, il n'y a pas de doute qui rentre dans le shirk, yani, si c'est fait de cette façon-là. Donc il faut faire attention à ça, et c'est très dangereux. Ça fait partie de prendre les moyens pour couper justement les portes au shirk. Et le prophète, il n'a pas seulement interdit le shirk lui-même, mais il a interdit tous les moyens qui pouvait nous amener à tomber dans le shirk, indirectement. Donc, c'est pas juste de, comme quand on dit par exemple que le zina en islam, c'est haram de commettre l'adultère ou la fornication. C'est pas seulement le zina lui-même, mais tout ce qui peut nous amener à faire le zina. Donc, le shirk, c'est encore plus grave que le zina. Donc, tout ce qui peut nous amener à tomber dans le shirk, c'est haram également. Et c'est pour ça qu'il faut fermer toutes les portes vers le shirk. Toutes les portes ou tous les moyens qui peuvent nous faire tomber dans le shirk. Même si nous, on considère que, en ce qui nous concerne, on peut penser qu'on est à l'abri du shirk. On pense que ça y est, on est protégé parce qu'on connaît, on n'est pas ignorant. Malgré ça, si on regarde Ibrahim alayhi salam, Ibrahim, il disait à Allah subhanahu wa ta'ala, وَجْنُوبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Rabbi innahunna adlalna kathir minan nas. Donc Ibrahim, qui était le père des prophètes, comme on a parlé de lui dans les cours précédents, et qui était imam al-hunafa, eh bien lui-même, il craignait pour lui-même de tomber dans le shirk, ainsi que pour ses enfants. Donc si lui, il avait peur de tomber dans le shirk, et il avait peur pour lui-même et ses enfants de tomber dans l'adoration des idoles, qui sommes-nous aujourd'hui nous-mêmes pour croire qu'on est à l'abri de cette fitna et qu'on n'a pas besoin de craindre ou d'avoir peur de tomber dans le shirk? Hein, c'est justement de se sentir en sécurité de cette façon qui fait que souvent on tombe dans le shirk nous-mêmes. Et si c'est pas nous, ce sera peut-être nos enfants. Et si c'est pas nos enfants, c'est peut-être nos petits-enfants. Et comme le Cheikh Al-Fawzan il expliquait dans une autre conférence qu'il a donnée à propos du tawhid, il disait le shaitan, il planifie et il calcule à long terme, des générations à l'avance. Donc, peut-être que toi, tu penses que ça y est, t'es protégé, tu vas pas tomber dans le shirk. Hein? Mais, peut-être que, en expliquant pas le tawhid et en avertissant pas contre le shirk, tes enfants, eux, vont grandir dans l'ignorance à ce sujet-là. Et tes petits-enfants, encore plus. Ils risquent eux aussi de tomber dans le shirk par la suite. Et tu sauras même, tu sais pas, tu ne peux pas les protéger si tu leur enseignes pas qu'est-ce que c'est. Donc ça c'est à ce sujet-là. Le cheikh il dit donc qu'il faut commencer par enseigner le tawhid et toujours continuer à l'enseigner. C'est pas quelque chose comme si aujourd'hui, des fois, on pense que ça y est, on l'a appris le tawhid. On sait qu'il y a un Dieu unique. Hein, ça y est, on n'a plus besoin de l'entendre. C'est suffisant qu'est-ce qu'on a appris déjà. Non, le tawhid c'est pas quelque chose qu'on apprend juste comme ça une fois puis c'est fini. T'as passé l'examen à l'école en enseignement religieux dans les pays musulmans. T'as appris ça depuis ton enfance. Ça y est, tu le sais, c'est fini. Non, parce que quand on lit juste en lisant le livre Kitab al-Tawhid, on réalise que c'est très très facile de tomber dans une manifestation, dans une forme de shirk quelconque, sans même qu'on s'en aperçoive, parfois. Et il y a des formes de shirk majeures, il y a des formes de shirk mineures qu'on peut faire parfois qu'on réalise même pas. Hein? Al-shirk al-khafi, al-shirk al-asrar, et beaucoup d'autres manifestations et beaucoup d'autres formes de shirk qui peuvent être dans la croyance, qui peuvent être dans nos sentiments ou dans nos réactions, dans le qadar, dans beaucoup d'aspects, dans une parole même. Hein? Comme par exemple celui qui disait « Masha'Allahu wa shi'at » ce que Allah a voulu et toi. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Aja'altani lillahi niddan » Est-ce que tu veux me faire un égal avec Allah? Tu dis « Moi, ce que Allah veut et moi » Hein? Ou « Ce que Allah veut et toi » Donc tu le mets à égalité, il a dit non, dis pas masha'Allah wa shi'at, qul masha'Allah thumma shi'at. Hein, dis ce qu'Allah veut, puis ensuite toi, pour qu'il y ait un écart, un décalage entre Allah et sa créature, pour qu'on ne croit pas ou on n'imagine pas qu'il y a une égalité entre Allah et sa création. Donc même dans des petites expressions comme ça, on peut commettre le shirk sans même s'en apercevoir. Donc c'est des exemples comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pris des précautions pour protéger le tawhid. Eh na'am, Allah musta'an. Comme le frère, qu'est-ce qu'il mentionne ça là, je l'ai vu plusieurs fois moi-même. Tu le trouves dans les mosquées, il marque Allah et à côté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le mur. Déjà comme le fait de mettre ça sur le mur, c'est déjà ça rentre dans l'innovation, hein. Puisque ça ne fait pas partie de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'écrire des choses comme ça sur le mur. Mais de les mettre à égalité, c'est comme si, hein, même quand des chrétiens, des fois, ils venaient visiter les mosquées, puis ils demandaient, c'est quoi ça? Et là, on leur disait, ça, c'est écrit Allah. Puis à côté, Muhammad. Donc, eux, dans leur tête, ils s'imaginent que on prie à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme on prie à Allah. Et ça, c'est grave, hein? Donc, ça, c'est un exemple. Et pire que ça encore, je me souviens quand je suis allé sur une mosquée sur Jean Talon, hein, c'est des Pakistanais qui prient là-bas, en haut de du marché de fruits là. C'est, je pense que c'est une tariqa soufia qui ont cette mosquée là. Je sais, j'ai oublié le nom. En tout cas, subhanallah, c'est écrit sur le mur à l'intérieur en grosses lettres, Ya Allah, Ya Muhammad. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est comme si ils invoquent Allah, puis à côté, ils invoquent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont mis ça côte à côte sur le mur. Donc ça donne quoi comme idée, comme impression? Ça veut dire qu'ils vont invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils invoquent Allah. Et ça, c'est shirk. Hein? Donc ça, c'est des exemples du danger que les gens réalisent même pas, yani. Donc, le cheikh, il dit qu'on voit qu'est-ce que les gens font maintenant, hein? Il clarifie pas donc le tawhid aux gens. Il clarifie pas que c'est la plus grande des choses que Allah a ordonné. Et il dit ça convient pas de faire du tawhid la dernière des choses que tu enseignes, ou quelque chose qui a pas d'importance, hein? Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de faire en sorte que les gens négligent ou s'écartent de l'enseignement du tawhid et de la aqida. Et il y a beaucoup de gens qui ont été éprouvés par ces idées-là. Et donc, il faut comprendre que de faire preuve de manquement envers le tawhid, c'est de faire preuve de manquement envers la religion en entier. Et donc, c'est obligatoire de donner à ce sujet-là de l'importance. Et en particulier, lorsqu'on a des enfants, et de leur enseigner ce tawhid, hein, et de leur faire comprendre que c'est l'islam. Il n'y a pas d'islam sans tawhid. Et le cheikh, il dit, « وَمَا هُوَ التَّوْحِيدِ هل هو أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت؟ لا. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل التفسير يعبدون أي يوحدون، فسروا التوحيد بالعبادة. إذن فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وليس هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لأن هذا موجود في الفطر، موجود في عقول العقلاء، ولا يوجد عاقل في الدنيا يعتقد أن أحدا خلق السماوات والأرض غير الله. لا يوجد عاقل في الدنيا يعتقد أن أحدا خلق السماوات والأرض غير الله. لا يوجد أحد في العالم كله وما فيه من الكفار والملاحدة يعتقد أن أحدا من البشر خلق بشرا، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. Donc là, le cheikh, il explique un point qu'on a expliqué, on en a parlé la semaine passée, puis dans les cours précédents, on en reparle encore une fois pour clarifier, pour faire comprendre bien, parce que ça, c'est une chose que, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas compris ça. Et c'est important de l'expliquer aux musulmans, parce que vous avez des gens aujourd'hui qui vont vous répéter ça et vous allez voir. Le cheikh, il dit, qu'est-ce que c'est le tawhid? Le cheikh, il dit, est-ce que le tawhid, hein, et je vous pose la question en même temps, essayez de répondre à la question. Hein? Est-ce que le tawhid, c'est de reconnaître que Allah, c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui est le pourvoyeur, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir? Est-ce que c'est ça le tawhid? Hein? Non. Ok, d'accord. Donc, le cheikh, il dit, non, c'est vrai. Donc, Kabirou, t'as raison quand tu dis non, c'est pas ça le tawhid. Qu'est-ce que c'est le tawhid, Kabirou? Barakallahu fik. Donc c'est ça, c'est d'adorer Allah lui seul et de lui vouer un culte exclusif, de rien associer avec lui dans l'adoration. C'est ça le tawhid. Oui. Donc, on a parlé au dernier cours, on a expliqué qu'il y a trois catégories de tawhid. Tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma et al-sifat. Ok? Mais cette catégorie-là, comme, qu'est-ce que le cheikh il demande la question quand il dit qu'est-ce que c'est le tawhid? Est-ce que c'est de reconnaître qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur de subsistance, celui qui fait vivre et qui fait mourir? Est-ce que c'est de reconnaître ça, d'appliquer et d'établir le tawhid? Hein? Donc, comme le frère il le dit, ça c'est tawhid al-rububiyya. Ça c'est tawhid al-rububiyya. Est-ce que le fait de reconnaître ça, ça fait de nous qu'on est des mouahidines et qu'on a appliqué le tawhid correctement et qu'on est rentré dans l'islam? Non. Pourquoi? Parce que même les mouchriquins, les koufars, ils reconnaissaient ça. Ils disaient, oui, c'est Allah le créateur et c'est lui qui donne le risque de la subsistance. Donc, l'objectif, c'est quoi dans le tawhid? C'est d'adorer Allah. Hein? C'est pour ça que le cheikh, il dit que, par la suite, il dit, donc le tawhid, c'est que tu rends ton adoration uniquement pour Allah, et que tu adores uniquement Allah, et c'est pour ça qu'Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et les hommes de tafsir, les savants de tafsir, ils ont dit que, quand on dit qu'ils m'adorent, c'est-à-dire qu'ils établissent mon tawhid, et qu'ils m'unifient dans mon adoration. Donc ils ont interprété le tawhid par l'adoration. Donc, si quelqu'un, il dit, je reconnais qu'il y a un seul Dieu unique, et c'est lui seul le créateur, c'est lui seul qui a créé le monde, et c'est lui le tout-puissant, et c'est lui le maître, hein, et qu'il dit tout ça, puis par la suite, il s'en va prier à Jésus, ou prier à Marie, ou prier à un saint, ou prier à une tombe, est-ce qu'il est, si on, est-ce qu'on peut dire que lui, il est sur le tawhid? Non. Pourquoi? Parce que, il a contredit ce qu'il prétend en disant qu'il y a un Dieu unique, qu'il y a un créateur unique, un maître unique. Sauf qu'après, il va adorer d'autres que lui. Parce qu'il prend entre lui et Allah des intermédiaires dans l'adoration. Et il se rapproche, hein, à Allah à travers ces choses-là qu'il adore en dehors d'Allah. Donc, à cause de ça, il n'a pas établi le tawhid. Il n'est pas un croyant. Et vous avez des groupes aujourd'hui comme par exemple, un groupe, sûrement vous avez entendu parler de Jama'at al-Tablir. Jama'at al-Tablir, c'est un groupe qui est d'origine, à l'origine, ils sont établis par des soufis. C'est des soufis, hein, qui ont établi ce groupe-là en Inde. Hein. Mohamed Ilyas al-Kandahlawi, le fondateur de ce groupe. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les mosquées, puis après la prière, il y en a un qui se lève et il commence à faire un petit discours. Hein? Et dans son discours, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout ce qui a rapport avec Tawhid al-Rububiyya, mais rien d'autre. C'est-à-dire, il va dire, dans son discours, il va dire, mes frères, il faut être reconnaissant envers Allah, parce que c'est lui qui nous a donné le risque, c'est lui qui nous a créé, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Puis là, il va nous parler de qu'est-ce que Allah a créé dans le ciel comme étoiles, comme le soleil, comme la lune et tout, hein. Et donc regardez qu'est-ce que Allah a créé, comment il est grand et tout puissant et comment il nous donne le risque et comment il fait vivre et qu'il fait mourir. Donc il parle de la rububiyya, mais ils ne vont jamais parler de tawhid al-ibada wa tawhid al-uluhiyya, l'adoration. Pourquoi? Parce que dans ces pays d'où ces gens-là viennent, en Inde, au Pakistan et dans d'autres pays, il y a des gens qui adorent les tombes partout. Dans ces pays-là, et dans les pays arabes, c'est la même chose. Et il n'y en a pas un seul d'entre eux qui dénonce ces choses-là. Même le fondateur de la Taïqa, le fondateur de ce groupe-là, Mohamed Elias lui-même, avait l'habitude d'aller se recueillir auprès des tombes et auprès des soi-disant Awliya. Hein, pour obtenir la baraka de ces tombes-là. Donc, comment vous espérez de la part de gens qui, eux-mêmes, le fondateur, dont leur fondateur est en train de faire ces genres d'actes de shirk et toutes sortes de croyances contraires au tawhid, comment vous pouvez espérer que lui, il va clarifier la réalité du tawhid? Non. Parce que si c'est le fait de croire que Dieu est unique et qu'il a tout créé, c'est pas suffisant pour être un mouahid. Et vous allez voir des exemples de ça. Le cheikh il dit, hein, donc le tawhid c'est d'unifier Allah dans l'adoration. C'est pas juste de dire que c'est lui le seul créateur, c'est lui le seul pourvoyeur, c'est lui le seul qui fait vivre et qui fait mourir. Ça c'est pas suffisant. Tu dis c'est Dieu qui contrôle l'univers, c'est pas suffisant pour être un musulman. Hein? Ça c'est quelque chose qui est dans la fitra. Déjà, le cheikh dit ça, c'est quelque chose qui est écrit dans notre nature profonde, chacun d'entre nous. Même les juifs, même les chrétiens, même les athées, ils savent ça dans leur cœur. Ils disent, ouais, je reconnais, il y a un être suprême, il y a un tout-puissant, c'est sûr. Ils ne le rejettent pas. Hein? Donc, toutes les personnes qui ont un minimum de raison, même des hindous et des bouddhistes, hein? Même des hindous, tu les vois se prosterner, ils ont des milliers de statues et des idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah. Ils savent, en eux-mêmes, ils savent que ces idoles-là, elles n'ont rien créé. Hein? Tu vas aller voir un hindou dans son temple avec les statues, tu lui demandes, cette statue-là, est-ce que c'est elle qui t'a créé? Il va dire non. Est-ce que c'est elle qui a créé le monde entier? Il va dire non. Il le sait, ça. Parce qu'il sait que c'est une statue faite en pierre ou en bois. C'est lui-même qui l'a fabriquée ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a sculptée avec un instrument pour lui donner une forme. Donc, il est conscient que ce n'est pas son Dieu réel, que ce n'est pas lui le créateur réel. Mais, comme on l'a expliqué, ils prennent ces objets-là comme des représentations pour se rapprocher, hein, par ces statues-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, donc, c'est le shirk, le même shirk que faisait Quraysh et que pratiquaient d'autres parmi les idolâtres. Donc le cheikh dit, il n'y a personne sur la terre qui a un minimum de raison, hein, qui peut penser qu'il y a quelqu'un qui a créé quoi que ce soit avec Allah, hein, ou qui a créé quelque chose dans l'univers en dehors d'Allah. Personne peut dire ça. Même les koufars et les athées, hein, ils savent qu'il n'y a personne qui peut créer quoi que ce soit dans l'univers. Et qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas un être humain qui a créé un autre être humain. Hein? Si tu leur demandes qui les a créés, ils vont te dire c'est Allah. Donc ils le savent. Hein? Ça c'est le verset quoi? Le verset 87 dans Surat Az-Zukhruf. Hein? Donc le cheikh il dit la yujadu aqilun fi al-alam يعتقد أن بشرا يخلق بشرا إنسانا يمشي على الأرض ويتكلم ويأكل ويشرب هل يوجد عاقل يعتقد هذا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون توحيد الربوبية موجود في الفطر والعقول لكنه لا يكفي بدون توحيد العبادة وهو إفراد الله بالعبادة. Donc le cheikh il dit, il y a personne sur la terre qui pense, hein, personne qui a il y a pas un être humain intelligent sur la terre qui peut croire que quelqu'un peut créer un autre être humain, qui peut créer un être humain qui marche sur la terre et qui parle, qui boit et qui mange. Hein? Personne croit ça. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ce genre de choses? Personne. Et le cheikh il mentionne les versets 35 et 36 dans Surat At-Tur. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, est-ce qu'ils ont été créés comme ça, de rien? Ou bien ce sont eux les créateurs? C'est-à-dire ce sont les êtres humains qui ont créé le monde et eux-mêmes? Non? Est-ce qu'ils ont créé les cieux et la terre? Hein? Non, ils ne sont pas certains. Ils n'ont pas la conviction de ça. Ils ne sont pas certains. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya. Que tu dis que Allah, c'est lui qui a tout créé. Et il y a des athées même, des koufars scientifiques. Ceux qu'on appelle les scientifiques. Hein, qui se dit la biologie, la chimie, la physique et d'autres sciences naturelles. Et qui reconnaissent l'existence d'un créateur. Et parfois, vous allez même voir parmi certains soi-disant penseurs islamiques ou soi-disant prêcheurs islamiques actuellement qui parlent d'eux comme étant des exemples, hein, des modèles de foi. Ils pensent que ce sont des croyants. Yani, Ghazali, le contemporain, là. Ouais, ouais, celui qui vient demain, oui. Il y a cet exemple-là, et il y a aussi d'autres, même à notre époque, qui parlent de ces gens-là, comme ils vont dire, ouais, il y en a des chrétiens, ou des penseurs, ou des philosophes, des intellectuels, ou bien des scientifiques européens qui ont reconnu l'existence de Dieu. Et puis, ils les citent, et ils mentionnent le fait qu'ils ont reconnu l'existence de Dieu, et puis, comme s'ils étaient des mouminines. Et ils n'expliquent pas le fait que ce sont des koufars, parce que d'être un mu'min, c'est pas juste de dire « je crois que Dieu existe ». Si quelqu'un te dit « je crois que Dieu existe », ça fait pas de lui un croyant. Il n'est pas considéré, selon l'islam, comme étant un mu'min. Le mu'min, c'est pas juste de dire « je crois que Dieu existe » ou qu'il y a un créateur, non. Tant que tu n'as pas cru que, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala sait, lui le seul créateur et le maître, donc ça c'est Tawhid al-Rububiyya, mais également que tu as reconnu Tawhid al-Ibada, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'autre il est un scientifique chrétien ou juif ou athée et qui dit oui il y a un Dieu qui a créé le monde, mais par la suite il va adorer Jésus ou Marie, ou il croit juste comme les déistes. Je ne sais pas si vous connaissez les déistes. C'est des gens qui disent il y a un créateur, mais c'est tout. Et il ne fait rien d'autre chose que créer. Ils nient ses attributs, ils nient ses noms. Ils ne reconnaissent pas qu'il envoie des messagers à l'humanité. Ils ne croient pas qu'il envoie des livres à l'humanité par l'intermédiaire des prophètes. Ils ne croient pas en ça. Est-ce que ça, c'est des croyants? Non. Donc, être un croyant, c'est pas seulement de dire Dieu existe. Sinon, c'est pas suffisant de dire Dieu existe. Vous demandez à des juifs, est-ce que Dieu existe? Ils vont dire oui. Combien il y en a? Ils vont dire, il y en a juste un. Tu demandes aux chrétiens, est-ce qu'il y en a, Dieu existe? Les chrétiens vont dire oui. Tu dis, combien il y en a? Ils vont dire, il y en a juste un. Puis après, ils vont dire, trois en un. Mais, n'empêche qu'ils disent un à la base, même si par la suite ils se contredisent en affirmant la Trinité. Et même parfois vous allez voir des hindous, ils adorent plein d'idoles et plein de statues, mais si vous leur demandez, certains d'entre eux, ils vont vous dire il y a un seul Dieu. Parce que en fait, eux, pour les hindous souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils croient qu'il y a un seul Dieu, parce que pour eux tout est Dieu. Tout est Dieu et Dieu est tout. Et pour eux, tout ce qu'ils voient autour d'eux comme des manifestations, c'est des manifestations de Dieu. Donc quand ils prient des statues, des idoles, ils croient que c'est Dieu qui est à l'intérieur de ces idoles-là. Comme les chrétiens, quand ils prient Jésus ou la statue de Jésus, ils disent c'est Dieu qui est incarné dans cette statue, il est rentré à l'intérieur. Donc ils pensent qu'ils adorent Dieu à travers ces statues-là, ou à travers ce corps, ou à travers cet être humain-là. Mais c'est ça le shirk qu'ils font. Il y a des musulmans, même parmi ceux qui se disent musulmans, parmi les soufis, qui croient qu'il y a justement cette idée-là, que tout est Dieu, Dieu est tout. Comme les soufis, comme Ibn Arabi et Al-Hallaj, qui croyaient en Wahdatul Wujud, qui pensent que Dieu est tout et que tout est Dieu. Et eux, ils disent, le fait d'adorer des idoles, c'est pas shirk. Pour eux, ils pensent que c'est pas shirk. Qu'est-ce qui est shirk pour eux? C'est quand tu dis qu'il y a autre chose qui existe en dehors d'Allah. Pour eux, tout ce qui existe, c'est Allah. Il n'y a rien autre que Allah. Il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Les deux sont la même chose. Ça, c'est kufr. Si quelqu'un dit ça, c'est kufr. Mais ils ont tellement été égarés dans leur foi, dans leur croyance, que pour eux, le kufr est devenu la foi et la foi est devenue le kufr. Ils ont tout mélangé. Donc le cheikh, il explique que pour être un vrai mu'min, un vrai musulman, un vrai croyant, c'est pas juste que tu dis Dieu existe et qu'il a le contrôle de tout et qu'il est le seul créateur. C'est pas suffisant. Tant que tu n'as pas accepté que c'est seulement Allah qui mérite d'être adoré et que tu dois l'adorer directement et lui seul, sans aucune représentation, aucun intermédiaire, c'est ça le tawhid. Et c'est à ça que tous les messagers ont appelé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant pendant 23 ans, il a tout fait pour établir ce tawhid-là. Hein? Pas pour que les gens disent juste Dieu existe, parce que les gens ils connaissaient Allah, ils savaient que Dieu existait. Mais il les a appelés à abandonner ce qui était adoré en dehors d'Allah. Le Cheikh il dit, ولهذا قال الشيخ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وليس هو إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة لأن هذا شيء معروف ولا يكفي توحيد الربوبية في تعريف التوحيد. Donc c'est pour ça que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il s'est concentré sur ça dans le tawhid. Il a expliqué qu'il faut unifier Allah dans l'adoration et que c'est pas juste d'unifier Allah dans le sens que tu crois que c'est lui le seul créateur, le seul qui donne la subsistance, le seul qui fait vivre et qui fait mourir. Parce que ça, hein, c'est une chose que tout le monde connaît. C'est une chose que tout le monde accepte et tout le monde connaît déjà. Et donc ça suffit pas de reconnaître ça, hein, pour comprendre le tawhid. Ensuite, il dit wa a'zamu ma nahaa Allahu anhu ash-shirk. La plus grande de toutes les choses que Allah a interdit, c'est le shirk. Il n'y a pas un plus grand péché que ça. C'est le fait d'associer avec Allah dans l'adoration. Le Cheikh dit wa qawluhu rahimahullah wa a'zamu ma nahaa Allahu anhu ash-shirk. وهذه فائدة عظيمة لأن بعض الناس يعتقدون أن هناك أشياء هي أعظم الجرائم أعظم ما نهى الله عنه يقول الربا فيقول الربا هو أعظم المحرمات أو الزنا هو أعظم المحرمات ولذلك يركزون على النهي عن الربا وعن الزنا وعن فساد الأخلاق ولكن لا يهتمون بأمر الشرك ولا يحذرون منه وهم يرون الناس واقعين فيه وهذا من الجهل العظيم بشريعة الله سبحانه وتعالى فأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك فهو أعظم من الربا وأعظم من شرب الخمر وأعظم من السرقة وأعظم من أكل أموال الناس بالباطل وأعظم من القمار والميسر وأعظم من المحرمات أعظم المحرمات. Donc le Cheikh il explique, il dit la chose la plus grave que Allah a interdit c'est quoi? C'est le shirk. Et donc ça c'est un point très important parce que les gens aujourd'hui ils pensent que il y a beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus graves que le shirk et beaucoup plus grands en crime que le shirk. Si tu leur demandes c'est quoi les plus grandes choses que Allah a interdit, c'est quoi les choses les plus graves que Allah a interdit, c'est quoi les plus grands crimes, ils vont dire c'est le riba. Le riba, l'intérêt sur les prêts, c'est le plus grand des choses interdites. Il y en a d'autres qui vont dire c'est le zina, de commettre la fornication ou l'adultère, c'est-à-dire d'avoir des rapports sexuel en dehors du mariage. Ils vont dire ça, c'est le plus grand de tous les péchés. Et ils se concentrent, c'est pour ça qu'on voit qu'ils se concentrent sur l'interdiction du riba et l'interdiction du zina et l'interdiction des mauvais comportements, mais ils ne s'inquiètent pas ou ils se préoccupent pas du tout de la question du shirk. C'est très très rare que tu vas entendre des musulmans quand ils parlent des interdictions qui vont mentionner le shirk. Hein? Et je me souviens même une fois quand je parlais des exemples de mawasim qui se passent au Maroc par exemple, quand ils font les mawasim pour les awliya dans les différentes villes du Maroc et dans d'autres pays également. Et je mentionnais ces choses-là et le frère avec qui j'étais ils vont aux tombes, ils prient le wali et des choses de ce genre. Ça, c'est shirk. Lui, il m'a dit, tu sais quoi, ils font pire que ça encore. Ils font même le zina. J'ai dit, subhanallah. J'ai dit, le zina, c'est pas plus pire que le shirk, mon frère. Il n'y a pas un péché plus grave que le shirk. Donc ça, c'est pour montrer que des gens aujourd'hui, subhanallah, tu vas lui dire, ah, quelqu'un a commis le shirk. Il va dire, ah, ok, comme si c'est pas grave. Tu lui dis, hier, il y a quelqu'un qui a violé une fille dehors, une fille musulmane. Il va dire, A'udhu Billah. Hein? Tu vas lui dire, il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un, ou bien il y a quelqu'un qui a يعني fait toutes sortes d'autres, il a volé ou il a menti ou il a fait d'autres péchés. Ah, les gens ils ont dit ah, Ouzoubillah. Mais quand tu lui dis il a fait le shirk, c'est pas grave, c'est comme s'il a rien fait. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent pas yani, le danger de qu'est-ce que ça représente le shirk. Des moutons, des vaches même, pour des tombes et pour des saints, personne ne dit rien, comme si c'était rien. Mais quand c'est quelqu'un qui a commis un crime autre que, moindre que le shirk, là c'est comme si c'est le scandale, hein? Oui, ça j'ai entendu souvent cette histoire, hein? Il y a le frère Issa qui avait envoyé ça sur le groupe. Il a dit, je pense que c'est le cheikh, je sais pas si le cheikh Ibn Uthaymeen ou un autre cheikh, ils ont terminé d'étudier Kitab al-Tawhid ensemble. Alors le cheikh, il a dit, bon, on recommence. C'est-à-dire, on a fini le livre Kitab al-Tawhid, on le recommence encore une fois. Les étudiants ont dit, non, mais cheikh, on va faire un autre sujet, fiqh, hadith, autre chose. On a fini maintenant avec le Tawhid, ça y est. Le cheikh a dit, ok, d'accord. Le lendemain, il leur a dit, il leur a donné l'exemple comme ça. Comme l'exemple, quelqu'un, il a fait le zina avec sa mère. Ils ont dit, astaghfirullah, adoubillah. Les élèves, ils étaient choqués. Hein? Puis, pour dire, quelqu'un a commis le shirk ou a adoré une tombe, personne n'a réagi. C'est comme si c'était moins grave. Alors, il a dit, vous voyez, maintenant, vous n'êtes pas encore prêts pour passer à un autre sujet. Il faut qu'on explique le tawhid, parce que vous n'avez pas compris encore l'importance du tawhid. Et pourquoi souvent c'est comme ça? C'est parce que même chez les koufars, c'est comme ça qu'ils ont. Pour eux, la religion, c'est comme ça. C'est-à-dire que pour eux, les plus grands péchés, c'est les péchés qui ont rapport avec les crimes qu'on fait envers les autres créatures. Mais ils ne pensent pas aux péchés qu'on fait contre Allah subhanahu wa ta'ala dans qu'est-ce qui a rapport avec la aqida et le shirk, qui est le plus grand de tous les péchés. Et donc, le shaykh, il dit donc que tu les vois, ils ne donnent aucune importance au shirk. Et ils n'avertissent pas contre le shirk. Et ils voient des gens qui le commettent et... Hein? Ça, c'est une grande ignorance de la charia d'Allah. Hein? Aujourd'hui, même, on vit dans un système qui s'appelle la laïcité. Et la laïcité, c'est quoi? La laïcité, c'est à la base l'ouverture de toutes les formes de shirk. Parce qu'ils sont en train de dire aux êtres humains, toutes les religions que vous voulez pratiquer, tous les dieux que vous voulez adorer, elles sont toutes bonnes, toutes acceptées. Elles ont tous les droits équivalents et égaux. Hein? Il n'y en a pas une parmi ces choses qui sont adorées, parmi les choses que les hommes adorent, qui a plus le droit d'être adorée qu'une autre. Ou qui doit plus être défendue qu'une autre. Elles ont toutes un droit équivalent. Donc, celui qui adore la vache, celui qui adore le rat, le singe, ou qui adore Jésus, ou Marie, ou qui adore la tombe, ou qui adore la statue, ou l'idole, tout ça c'est la même chose que celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Il n'y a pas de différence. Et ça c'est le contraire de ce que l'islam est venu enseigner à l'humanité. L'islam est venu enseigner que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ils viennent avec la laïcité dire, tout a le droit d'être adoré. Il n'y a pas de différence entre Allah et sa création. Vous pouvez adorer tout ce que vous voulez, c'est pareil. Hein? Donc, si tu dis maintenant aujourd'hui à certains musulmans, parce qu'il y en a des musulmans, Allah musta'an, des gens qui prétendent faire la prêche à l'islam et appeler à l'islam, ils sont en train de faire l'apologie de ce genre de choses. L'apologie de la laïcité, l'apologie de la démocratie, de ces idéologies-là, et ne réalisent pas qu'à la base, ceux qui ont inventé ces philosophies ou ces idéologies-là, c'était des idolâtres. Donc, ils ont inventé un système qui va en accord avec leur idolâtrie. Les Grecs de l'Antiquité, ils croyaient à c'était le même style de religion que les Hindous aujourd'hui. Ils croyaient en des dieux, en des étoiles, en des, hein, des statues, des idoles qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Les Romains, c'était la même chose. Neptune, Jupiter, tous ces trucs-là, c'était des statues et des étoiles qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et ils ont ramené ça maintenant avec une nouvelle forme moderne. Ils ont enlevé les idoles, mais ils ont gardé les idées de base de ces systèmes-là. Puis, ils les ont remodelés pour incorporer, au lieu des idoles, ils mettent les religions à la place. Puis ils disent, toutes les religions sont bonnes, vous pouvez toutes adorer vos religions, tant que vous ne vous disputez pas les unes les autres, et que vous acceptez toutes les unes les autres, il faut tous vous aimer, puis accepter tout ce qui est adoré, sans distinction. Et ils veulent donc qu'on accepte le vrai et le faux, et qu'on le mette à égalité. Et ça, bien entendu, c'est la plus grande des injustices qu'on peut faire. Donc le cheikh, il dit ensuite, فأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو أعظم من الربا. Donc la plus grande des choses qu'Allah interdit, c'est le shirk, et c'est plus grave que le riba, et c'est plus grave également que de boire de l'alcool, et c'est plus grave que de voler, et c'est plus grave que de manger l'argent des gens de façon injuste, et c'est plus grave que la loterie et les jeux de hasard, et c'est plus grave que également toutes les autres formes de péché. C'est plus grave que tous les péchés que quelqu'un peut commettre. Même que manger du porc. Aujourd'hui, si tu dis à un musulman, à certains musulmans, le plus grand péché, c'est quoi? Manger du porc. Il fait pas la salat. Il fait pas le jeûne. Il fait rien. Mais il dit, moi, je mange pas de porc. Pour eux, le plus grand crime, c'est manger du porc. Le shirk, c'est plus grave que ça. Le shirk, c'est plus grave que ça. Il y en a qui disent que celui qui ne fait pas la salat, il est kafir. Et il y en a d'autres parmi les ulama qui disent non, il n'est pas kafir d'un kufr qui le fait sortir de la foi complètement, mais il est d'un kufr qui est en dessous du niveau de kufr qui fait quitter l'islam, c'est-à-dire kufr unduna kufr. Donc, c'est-à-dire pour la personne qui reconnaît l'obligation de la salat, mais qu'il a abandonné par paresse. De temps en temps, il l'a fait, de temps en temps, il l'abandonne, mais il reconnaît que c'est obligatoire de le faire. Les ulamas, ils ont divergé entre eux à ce sujet-là. Celui qui l'a fait jamais du tout, ils disent, yani celui qui l'a nié son obligation, ils sont tous d'accord pour dire qu'il est kafir. Ça, il n'y a pas de doute. Parce qu'il a nié son obligation. Mais celui qui dit oui, c'est obligatoire de la faire, il la fait, mais des fois il la laisse. Hein? Il est paresseux dans sa prière. Il y en a des ulama qui disent il est kafir, il sort de l'islam. Et il y en a d'autres qui disent c'est un kufr duna kufr, il ne sort pas de l'islam. Sauf qu'il a commis un péché qui est plus grave que les autres grands péchés. C'est-à-dire que pour ces ulama, même si ce n'est pas kufr qui fait sortir de l'islam, mais c'est un péché qui a été nommé kufr par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils disent que c'est plus grave que de tuer ou de voler ou de faire le zina ou de manger du porc ou de faire le riba. Tous les grands péchés sont moins grands que de ne pas faire la salat. Donc c'est très très très grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre l'homme et l'abandon de la prière, entre l'homme et la mécréance et le shirk, il y a l'abandon de la prière. Donc celui qui ne fait pas sa prière, il est sous la menace grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'entente ou le pacte qu'il y a entre eux et nous, c'est la salat. Celui qui l'a abandonné, il a rejeté la foi, il n'a pas cru. Hein? Donc la salat, c'est très très important, et ça, il n'y a pas de doute. Hein? Sauf que là, on est en train d'expliquer des exemples par rapport au shirk, et le shirk, c'est le plus grand de tous les péchés. Pour terminer, le shirk, il explique encore plus, il donne des exemples, il donne des preuves à ce sujet-là. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il dit, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. On va lire une preuve que le shirk a mentionnée, puis on va s'arrêter là. Après, au prochain cours, inshallah, on va expliquer plus de preuves encore, parce que le cheikh, il a donné beaucoup d'exemples, mais juste pour donner une preuve à ce sujet-là, on en a déjà mentionné une tout à l'heure, quand on parlait de la plus grande des autres, quand on a parlé du tawhid. Maintenant, il recite le même exemple, mais par rapport au au shirk. C'est le verset 151 à 152 dans Surat Al-An'am qu'on a lu tout à l'heure. Il dit: وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى آخر الآيات وهذه الآيات تسمى بالوصايا العشر قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الأنعام هذه المحرمات بدأها الله بقوله ألا تشركوا به شيئا فدل على أن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه. Donc le cheikh explique que la preuve que le shirk c'est le plus grand de tous les péchés, il y a le verset qu'on a mentionné dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: venez, je vais vous citer ce qui vous a été interdit, ce que votre Seigneur vous a interdit. Venez, c'est-à-dire le prophète, Allah dit au prophète de dire ça aux hommes: venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, de ne rien associer avec Allah et d'être bon envers les parents. C'est-à-dire, vous devez être bon envers les parents et de ne pas tuer vos enfants à cause de la crainte de la pauvreté, de la famine. Nous allons leur donner leur subsistance ainsi qu'à vous-même. Et n'approchez pas des turpitudes, c'est-à-dire des gros péchés qui sont laids. Qu'est-ce qui est apparent ou qu'est-ce qui est caché de ces péchés-là? Et ne tuez pas l'âme, ne tuez pas l'âme que Allah a interdit de prendre, excepté pour un droit, c'est-à-dire ne pas tuer quelqu'un injustement. Et voilà en quoi Allah subhanahu wa ta'ala vous a enjoint pour que vous puissiez réfléchir et n'approchez pas les biens de l'orphelin, excepté de la meilleure manière, ainsi de suite. Donc ça, c'est les versets qu'on appelle les 10 commandements ou les 10 ordres que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Et ça commence donc par l'interdiction du shirk, et ça continue jusqu'à la fin de 152. Donc la plus grande des interdictions, celle par laquelle Allah a commencé, c'est l'interdiction du shirk. Et donc ça nous indique que la plus grande interdiction dans l'islam, c'est quoi? C'est le shirk billah, ash-shirku billah. C'est le plus grand des crimes, le plus grand des péchés. Et dans l'islam, c'est pas seulement quelque chose qui doit être dans les livres ou dans la théorie ou dans l'enseignement, ça doit être également quelque chose qui est dans notre vie, sur le plan des lois, sur le plan de yani dans les pays musulmans, ça doit être le plus grand crime et ça doit être implémenté et appliqué, et on ne doit pas accepter ou permettre que le shirk soit fait dans les pays musulmans ou par nulle part ailleurs sur la terre. Et c'est pour ça que Allah a ordonné de combattre même les mushrikins. Dans le Coran, il dit: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ دِينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. C'est-à-dire, et combattez-le jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk. La fitna qui est mentionnée dans le verset, les ulama ont dit ça, c'est le shirk. Combattez-le jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk et que la religion tout entière soit uniquement pour Allah. C'est-à-dire que dans l'islam, le combat, il est uniquement pour ça. C'est-à-dire pour enrayer l'idolâtrie et le shirk de la face de la terre. Pour que seul Allah soit adoré et tout ce qui est adoré en dehors de lui soit détruit. C'est ça la base. Et bien entendu, si on n'est pas capable de le faire ou si on n'a pas les moyens ou la force de le faire, dans ce cas-là, on a d'autres moyens que de combattre le shirk par la science, par la parole, par l'explication, de convaincre les mushrikines et les kuffars et les gens qui adorent d'autres que Allah d'abandonner le shirk avec les preuves et les arguments logiques et les arguments de la révélation pour leur prouver que ce qu'ils font en adorant d'autres que Allah, c'est complètement irrationnel et complètement faux, et qu'ils doivent abandonner ça et accepter le tawhid. C'est la da'wa de tous les prophètes que Allah a envoyé à l'humanité, et donc c'est à ça qu'il faut revenir, inshallah. La dernière, c'est surat al-an'am, c'est-à-dire les bestiaux, le verset 151 et 152. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.